Bonjour frères et sœurs, nous voici arrivés au huitième et avant-dernier message de la série. J'aimerais toucher quelques mots concernant la prédestination et le salut. La Bible nous donne deux points de vue du salut, le point de vue de Dieu et le point de vue de l'homme. Dieu a vu les choses arriver de toute éternité. L'homme, lui, ne voit que le présent. Quand nous voyons un chrétien qui emportait les fruits, quitter l'Église et retourner dans le monde, nous disons « il a perdu son salut ». Mais Dieu, lui, savait de toute éternité que cet homme abandonnerait la foi et retournerait dans le monde. Alors Dieu peut dire « je ne l'ai jamais connu ». Il n'y a que Dieu qui puisse dire cette petite phrase. Quand nous voyons quelqu'un abandonner le Seigneur, nous disons souvent « ah bien, c'est parce qu'il n'était pas un élu ». Frères et sœurs, nous n'avons pas le droit de juger des choses éternelles, car nous ne voyons pas dans l'éternité, et nous ne voyons pas ce que Dieu voit. Voici quelques versets qui parlent de prédestination. 1 Pierre 1:20. Christ a été prédestiné avant la fondation du monde. 1 Corinthiens 2:7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, ou prédestinée selon certaines traductions. Romains 8:29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. La prédestination n'est pas une certitude de salut. Regardez par exemple ce verset-là. Nous avons été prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pourtant, nous voyons des tas de chrétiens qui ne ressemblent pas au Seigneur dans leur caractère. Ils ont été prédestinés à cela. Mais s'ils n'obéissent pas à leur prédestination, alors ça donne ce que ça donne, ça donne ce que nous voyons. Éphésiens 1:4-5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Le Christ a été prédestiné, et nous qui avons cru en lui, nous sommes entrés dans son élection, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Nous avons donc été prédestinés à être saints et irrépréhensibles. Voyez-vous beaucoup de chrétiens saints et irrépréhensibles autour de vous? Il y en a très peu. La prédestination n'est une certitude de rien. Nous demeurons capitaines de notre navire jusqu'à la mort. La prédestination n'abolit pas le libre choix. Éphésiens 1:11-12. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Dans le ciel, entre parenthèses, là. Nous qui d'avance avons espéré en Christ sur la terre. Nous avons tous été prédestinés pour le ciel. Cependant, peu nombreux seront ceux qui y entreront, comparés à ceux qui retourneront en arrière. L'élection et la prédestination n'empêchent pas une personne de retourner en arrière si elle le choisit. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus parle beaucoup de sa prédestination à venir dans le monde, de sa prédestination à mourir sur la croix, de sa résurrection et de sa glorification. Dans cet évangile, Jésus parle également de la prédestination de ses brebis. Pourquoi? Parce que les brebis, en entrant en Christ, entrent en même temps dans sa prédestination à lui. Maintenant, je vous pose une question. Était-ce possible que le Christ échoue dans sa mission? Était-ce possible pour lui de faire machine arrière? Bien sûr que oui. Sinon, pourquoi le diable aurait-il perdu son temps à le tenter tout au long de son ministère? Et pourquoi Dieu lui-même l'a envoyé au désert pour être tenté? Parce que c'était sa mise à l'épreuve. Si le Christ allait flancher, ce serait là ou jamais. Il n'allait pas le donner en scandale, comme on voit des évangélistes aujourd'hui rétrogradés au beau milieu de leur ministère. Ils le font publiquement et c'est un grand scandale. Dieu a agi avec le Christ autrement. Il l'a envoyé au désert et s'il allait se retourner là, eh bien ce ne serait pas à la vue de tous. Ce ne serait pas un scandale public. Il y a beaucoup de gens qui devraient suivre cet exemple avant d'entrer dans le ministère, aller au désert et jeûner. Et imaginez-vous toutes les difficultés qui peuvent survenir dans le ministère. Est-ce que vous êtes prêt ou non à faire face à toutes les tentations qui vont survenir et à les surmonter? Si oui, eh bien, vous êtes prêt à entrer dans le ministère. Si vous avez des doutes, restez au désert jusqu'à ce que vous ayez la certitude d'être prêt. En Luc 3:38, Adam est appelé le Fils de Dieu. Et en Romains 5, le Christ est appelé le second Adam. J'en viens alors à cette conclusion. Si le premier Adam, le premier Fils de Dieu, a échoué, le second Adam, le second Fils de Dieu, le pouvaient tout pareillement. Je veux dire, si le Christ, le plus prédestiné de tous les prédestinés, aurait pu choisir de renoncer à sa mission, alors à plus forte raison le pouvons-nous aussi. Nous voyons un homme accepter le Seigneur, changer de vie, abandonner ses péchés, témoigner de sa foi autour de lui, amener des gens au Seigneur, s'engager dans le service dans une église. Et au bout de quelques années, il retourne dans le monde et dans ses anciens péchés et ne revient plus jamais. Qu'allons-nous en conclure? Que cet homme n'a jamais été sauvé? C'est ridicule. Si c'est le cas, vous n'êtes pas plus en sécurité que lui, puisque vous aussi, vous vous êtes repenti. Vous aussi, vous avez changé de vie et êtes engagé dans un service dans l'Église. Alors peut-être que vous n'avez jamais été sauvé vous non plus. Comme lui, vous vivez peut-être en pleine illusion de salut. Voyez-vous le problème? Alors non, vous ne pouvez pas dire que cet homme n'a jamais été sauvé. Dire que cet homme n'a jamais été sauvé, c'est comme si vous disiez que vous ne saviez pas vous-même si vous l'avez été ou non. C'est pas logique, ça. Vous dites, s'il est parti, c'est qu'il n'a jamais été des nôtres. Êtes-vous certain de ça? Et s'il revient au bout de 6 mois, vous allez changer d'idée et dire, ah bien, c'est parce qu'il était vraiment des nôtres alors. Et si au bout d'un an, il retourne en arrière encore, qu'allez-vous dire? Vous allez changer d'idée combien de fois comme ça? À quelque part, il faut cesser de se prendre pour Dieu et d'essayer de juger qui est vraiment un enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Moi, je dis que tous ceux qui se sont un jour repentis de leurs péchés, qui ont été baptisés, qui ont changé de vie et joint une église, ont été de vrais chrétiens, tout comme vous l'êtes vous-même aujourd'hui. 1 Jean 2, 18-19 « Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Il s'agissait de personnes qui avaient accepté le Seigneur, mais qui avaient été influencées par la doctrine gnostique et avaient embrassé cette fausse doctrine et ils ont fini par quitter l'Église. Historiquement, il s'agit de la secte docétiste. Cette secte gnostique niait l'incarnation. Et pour comprendre ce verset, il faut le lire conjointement avec 2 Jean 1, 7-9. « Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, les chrétiens, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous, les chrétiens, receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. » Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Alors quand Jean dit « il n'était pas des nôtres » dans sa première épître, il ne dit pas qu'il n'avait jamais été de vrais chrétiens. Il dit seulement que du point de vue de l'éternité, ils n'ont jamais appartenu au plan de Dieu. En sortant de Christ, ils sont sortis de leur prédestination et ils sont comme s'ils n'avaient jamais été. Il dit ensuite aux vrais chrétiens fidèles qui ont même œuvré pour le Seigneur, « Prenez garde à vous-même. » Pourquoi? De peur que ça ne vous arrive à vous aussi, il me semble que c'est clair. Quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Jean confirme donc qu'ils avaient été en Christ au début, mais qu'ils n'y sont pas demeurés. Pour hériter les promesses de la prédestination, il faut demeurer dans la prédestination. C'est ce que Pierre explique dans sa deuxième lettre. 2 Pierre 1, 5-10. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la science la tempérance à la patience la piété l'amour fraternel la charité. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Écoutez bien ça. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Une autre traduction a rendu « Appliquez-vous à rendre votre élection certaine. » Une autre traduction a rendu « Rendre votre appel et le choix de Dieu certain. » Une autre « Hors de tout doute. » Alors, prédestinés ou pas, nous demeurons libres de rester dans notre prédestination ou d'en sortir et de nous perdre. Aussi, ces versets nous montrent que nous ne pouvons jamais être certains d'être un élu. Nous ne pouvons que nous appliquer à la rendre certaine. En faisant cela, vous ne broncherez jamais. Prédestiné ou pas, il est donc possible de broncher si nous ne faisons pas ces choses. Broncher signifie chuter et rejeter par Dieu. Voyez Romains 11, 11 et 12 à ce sujet. 2 Pierre 1, 11, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. En d'autres mots encore, prédestiné ou pas, il reste toujours possible de ne pas y entrer. Le chrétien fait sa propre sécurité. La seule façon de savoir si vous êtes un élu, c'est de vous conduire comme un élu jusqu'à la fin de votre vie. Revenons un peu sur ce passage de Matthieu 7, 22-23. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Ici, on ne peut pas douter. Leur don spirituel venait vraiment du Seigneur, car c'est par le nom de Jésus qu'ils étaient opérés. Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. » Non dans le sens que ces personnes n'aient jamais été de vrais croyants, mais au sens où Christ savait de toute éternité qu'ils allaient déchoir de la grâce un jour et retourner dans leur péché. Il ne les a jamais connus parce que leurs noms ont été effacés du livre de vie. Alors quant au jour du jugement, le Seigneur regardera dans ce livre, il ne verra plus leurs noms, c'est pourquoi il leur dira « Je ne vous ai jamais connus ». Il se peut que Jésus aussi ait simplement voulu dire « Je ne vous connais pas ». En Luc 13, 26, il dit « Je ne sais d'où vous êtes ». Et en Matthieu 25, 12, « Je ne vous connais pas », ce qui revient du pareil au même. Psaume 101, 4, « Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne connaîtrai pas le méchant ». Parole prophétique. Quoi qu'il en soit, ces personnes avaient été de vrais croyants puisqu'ils avaient reçu des dons de l'Esprit, l'autorité de guérir et de chasser des démons. Dieu ne donne pas ses dons à des païens ou à des fils du diable, on s'entend bien là-dessus. Ce sont plutôt des serviteurs de Dieu qui ont très mal tourné, soit à cause de l'amour de l'argent ou l'amour du péché. Il est encore plus évident qu'il s'agissait de vrais chrétiens qu'en cet autre passage où Jésus adresse cet avertissement à ses propres disciples. Luc 13, 25-27, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, vous étant dehors, vous commencerez à frapper. » Il dit bien « vous ». « Vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues ». Il répondra « Je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité ». Jésus leur a foutu la trouille en commençant, afin de faire sûr qu'ils demeurent fidèles et saints, qu'ils ne s'imaginent pas être au-dessus de la faiblesse humaine. Alors si même ses disciples proches pouvaient déchoir, combien le pouvons-nous nous-mêmes? Romains 8, 29-30 maintenant. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous avons ici le plan parfait de Dieu, du début jusqu'à la fin, le plan que Dieu a voulu pour tous les élus. Dans ce passage, nous avons le point de vue de Dieu qui connaît toute chose de toute éternité. Il faut garder ça à l'esprit, hein? À lire uniquement ce passage, il semblerait qu'en croyant en Jésus, le salut du chrétien est totalement et parfaitement emballé du début à la fin et qu'un vrai chrétien ne peut pas déchoir. Il ne semble pas y avoir de place pour la perte du salut dans ce passage. Mais je vous invite à reculer un peu là et à regarder juste un petit peu plus haut là, au-dessus, au verset 17, où il est écrit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Vous voyez, frères et sœurs, même prédestinés à être glorifiés, il reste toujours la possibilité de reculer devant la persécution, refuser de souffrir, d'apostasier et de sortir du plan parfait et de ne pas être glorifié. Alors le passage de 8, 29, 30 ne dit pas que nous serons toujours sauvés quoi que nous fassions. Il ne dit pas qu'il soit impossible de déchoir. Ne faites pas dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Romains 8, 29, 30 doit être lu avec Romains 8, 17 pour être bien compris. Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Paul ne dit pas « ni la rébellion, ni le péché, ni l'apostasie, ni le reniement, ni l'abandon de la foi ». Encore une fois, ne faites pas dire à la parole ce qu'elle ne dit pas. Marc 11, 21, l'épisode du jeune homme riche. Et Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima. Et il dit, « Il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Après cela, viens, prends ta croix et suis-moi. » C'est intéressant ça, Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima. Nous venons de voir un passage qui disait justement que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Jésus l'a aimé, et ce, avant même qu'il ne soit disciple. Alors, je crois que ce jeune homme riche avait été prédestiné à être un disciple proche du Christ. Mais voyez-vous, amour de Dieu ou pas, prédestination ou pas, le libre choix demeure nôtre. Le plan de Dieu est parfait, mais personne n'est prisonnier de ce plan. Voici maintenant un passage des plus intéressants. Jean 10, 27, 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jésus dit tout de suite qu'il les connaît et qu'elles ne périront jamais, et ce, avant même le jugement dernier. Ici, nous avons un salut qui ne se perd pas, un salut assuré dès maintenant et à jamais. Pour qui est cette assurance? Pour les brebis. Pour ceux et celles qui aiment le Seigneur de tout leur cœur. Il est une catégorie de croyants, frères et sœurs, qui ont été choisis de cette façon. Jean 17, 12. « Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. » Ailleurs, il dit encore à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Encore ici, nous voyons deux catégories de croyants, ceux qui sont choisis par le Christ et ceux qui choisissent le Christ. Il y a la première catégorie où tombent les brebis, et il y a tous les autres. Il y a ceux qui ont été choisis, et il y a tous les autres, ceux qui l'ont choisi. Quand Jésus parle de l'assurance du salut des brebis, il s'empresse de dire « Elles me suivent ». Lorsqu'on retourne se vautrer dans le péché, nous cessons de suivre Jésus. Les brebis ont l'assurance du salut parce qu'elles le suivent. Cette sécurité du salut n'est pas pour ceux qui l'abandonnent. Les brebis qui ne périront jamais sont celles qui le suivent à jamais. Jésus parle réellement d'une prédestination éternelle et d'une sécurité assurée. Il existe un groupe d'élus que Dieu a vus de toute éternité et qui sont appelés les brebis. Jamais il ne leur viendrait à l'idée d'abandonner le Seigneur. Celles-là sont sous la garde du roi des rois et sont en parfaite sécurité. Une vraie brebis ne peut pas perdre le salut parce que son cœur est attaché trop fort au Seigneur. Il faut comprendre que parmi le peuple de Dieu, il n'y a pas que des brebis. En dessous de cette élite, il y a une foule nombreuse de chrétiens très potables, mais dont l'expérience de conversion est plus ou moins parfaite ou achevée, et dont le cœur est plus ou moins entier au Seigneur pour le moment. Tous croient en Christ comme sauveur, mais tous n'ont pas le même cœur. Pour tous ceux-là, malheureusement, on ne peut pas prédire leur fin. Vont-ils persévérer? Vont-ils s'attiédir? Vont-ils renier leur foi? Le temps uniquement nous le dira. C'est principalement pour eux qu'ont été faites toutes les exhortations à la persévérance et tous les avertissements, les mises en garde et même les menaces de châtiment qu'entraînerait leur apostasie. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Comprenez-vous maintenant pourquoi il y a une foule de passages qui montrent clairement que le salut peut se perdre et d'autres qui nous donnent une sécurité à toute épreuve? C'est parce que ces différents passages s'adressent à différentes catégories de chrétiens. Il y a les brebis et il y a tous les autres. Tous les versets que l'on cite d'habitude pour dire que le salut ne se perd pas sont à peu près tous des versets tordus ou mal interprétés. Mais ce passage-là, Jean 10, 27, 28, est un verset absolument incontournable. Pour les brebis, le salut ne s'opère pas, ne se perdra jamais. Pourquoi? Parce que la catégorie des brebis est une élite du Seigneur. Ces âmes ont une fidélité à suivre le Seigneur qui est à toute épreuve. Le caractère du chrétien brebis en est un d'une profonde humilité et d'un amour sans fond, ce qui place leur cœur hors d'atteinte de la corruption de l'ennemi. Ni les hommes, ni le diable, ni le monde ne peuvent les acheter. Les chrétiens brebis produisent beaucoup de fruits de charité envers ses frères et sœurs. Ils pardonnent facilement et demandent pardon facilement. Il est éveillé spirituellement et fait tout ce que Dieu lui demande. Je le répète, pour les brebis, l'idée même d'abandonner le Seigneur est totalement impensable et incompréhensible. Si elle tombe, elle se relève toujours, tôt ou tard, plus forte qu'auparavant. Je termine avec ces deux merveilleux passages. Le premier s'adresse aux brebis et le deuxième s'adresse à tous les autres. 1 Pierre 1,5 « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » 1 Pierre 5,10 « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Amen.